pour sauver sa peau. Des couteaux dans la gorge. Des couteaux dans la gorge quand il sauvait sa peau. Sa peau comme des couteaux dans la gorge. Tu sauvais sa peau comme des couteaux dans la gorge. On te dit c'est le Covid. C'est le Covid. C'est le Covid. Comme des couteaux dans la gorge, va-t-il sauver sa peau?